On va rythmer votre mastication. Alors, est-ce que vous êtes parti? Alors, donc, on est au zénith de Radio Audio. Il y a bien entendu un public en délire et je vous propose d'applaudir très fort chez vous les Bungalows. C'est parti pour ce concert qui promet d'être de toute beauté. Super, quelle ambiance de dingue. On enchaîne tout de suite avec une chanson dont le titre déjà peut être suggestif, absurde et chatoyante. Je regarde autour de moi et tout. cela finalement semble presque bien trop vrai. Plus vrai que vrai, est-ce possible? Un moment d'affolement. Du fond du bassin, tous les miasmes remontent obstinément. Il est trop tard maintenant. Un oiseau pousse un chant aigu. Ivre dans mon lit, il est minuit passé, je m'écroule sur l'oreiller, bizarrement satisfait. Aventure dérisoire et secrète. Aventure dérisoire et secrète. Cher public, c'est formidable. On enchaîne assez rapidement sur cette merveilleuse chanson qui s'appelle On cherche quoi ? Enchaîne ! Ouais, d'accord, du calme là-bas. Là. C'est même pas encore l'apéro là. Y'a plus de calme au bar ! Bon, ok. Alors on cherche quoi ? C'est on cherche quoi ? Ou alors on cherche quoi ? Hein ? Bon. On est bientôt prêt, c'est parti. J'aurais pu rester chez moi, faire une sieste, en fait, zut, loupé. Et les gens se demandent aussi s'ils sont là, pourquoi. égal et à adapté à ce qui m'entoure, ce qui advient fortuitement. Continue. Assis au café comme en salle d'attente, et je suis content, sincèrement. Maintenant on sait que l'on ne trouvera pas, c'est parce qu'il n'y a rien à trouver. On a cherché et pensé jusqu'à comprendre que l'on ne savait pas ce qu'on cherchait, ce qui résulte de mes mouvements. Continue de trouver ses effets étonnants, spectacle parfois étonnant. J'ai envie de quelque chose, mais je ne sais. Génial! Bravo! Putain, ils applaudissent à chaque fois en plus, c'est incroyable! Et du calme dans le fond là. Ok, on enchaîne. Enfin, on essaye de faire la suite. La suite est un peu plus récente. Beaucoup de nos fans ne l'ont pas encore entendue. Elle s'appelle En Slip, tout simplement. Une exclue de Bungalow en direct sur le 895 de Radio Dio. Ah, scoop mondial! Alors, on va en être sinon. Simon, synthé guitare. J'envoie des photos tout de suite. Qui porte à continuer. et sans vraiment y penser, immobile, être un animal. Assis dans un vieux slip bleu clair, en plein après-midi, sur le matelas, et l'intention de dormir, mais sans fatigue, juste pour rêver. Un rayon de soleil clair par le volet entrebâillé, et le vent qui secoue tout ça. En moi, des choses que j'ignore, peut-être, ne s'appliquer qu'à sentir, et encore pas trop. La salle est un peu froide, il va falloir réchauffer encore tout ça. J'ai l'impression okay. qu'ils mettent du temps à applaudir. Alors, où j'en suis moi? La suivante s'appelle Cette machine. Tout comme nous, ces petites machines que nous sommes. Malgré notre humanité consubstantielle, n'est-ce pas? Ouais, je vois qu'on m'approuve dans les studios. Parfait. Bon. On se concentre un peu, là. Vous êtes toujours sur le 895 de Dio et en streaming à la... international, à Montréal comme ailleurs, à Marseille, à Clermont, eh bien vous êtes sur le radiodio.org, il est l'heure que vous voulez dans l'univers. Et c'est toujours Bungalow. Cette machine a... ces conversations se rejoignent dans le néant. Et si ça menait quelque part finalement, ce truc au fond qui respire, souffle qui traverse. c'est vraiment super. C'est incroyable. Bravo ! C'était vraiment sidéral en plus cette version là. On est content de nous. Alors à quoi question quoi ? Ah oui, la suivante. Jokari. Jokari, je rappelle qu'il s'agit de cette balle rebondissante accrochée à un élastique non moins rebondissant. Symbole de tout ce qui nous revient dans la figure quand on tape dedans. Ah non, c'est pas ça que je voulais dire en fait. Bon, tant pis. Place à une vitesse folle. Thank you. Ouais. Bon, elle était un peu plus triste, hein, celle-là, peut-être, ou pas, non, en fait. Ah. Petit problème. Je m'enfonce sous la surface. dans des méandres inédits. Et cet instant a l'air de ne servir à rien. La triste angoisse habituelle s'atténue progressivement, comme d'habitude. On a le temps de faire un bif ou... Ah ouais, génial. Une heure. Bon d'accord, on en fait une autre. Ouais. On avait oublié ce que c'était le rappel. C'est bien le rappel. Bon, à la fois, quand on est Zikos, ça a l'air de faire chier tout le temps. Pourquoi, finalement, on garderait notre meilleur morceau? On le joue pas vraiment, en espérant que... Puis quand la salle est froide, finalement, on le joue pas, on est dégoûté, alors on est obligé de revenir sur scène alors que personne n'a rien demandé. Tout ça, c'est compliqué. Mais là, le public international de l'univers est en folie. Je pense que vous pouvez vous permettre le rappel. Bon, d'accord. Bungalow en live, dans Plus Fort J'entends Rien, j'espère que vous kiffez dans votre maison. Ou ailleurs. Laisser les choses ainsi.